décaler votre transistor sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence pour écouter un coup d'œil dans le rétro. Bonjour à tous, vous êtes sur Fadjet, il est 17h, nous sommes le vendredi 16 mars 2018, c'est un coup d'œil dans le rétro. Alors chaque mois nous actualisons, nous décryptons toute l'actualité du rétro qui fait son grand retour depuis plusieurs années. On vous informe sur les tendances locales, musicales, la mode, la déco, mais aussi les loisirs et les sorties au niveau local et national. Vous l'aurez compris, c'est une émission où on vous parle du passé au présent. Mes partenaires de jeu cette semaine sont... Alors, on n'est pas tous au complet, hein, n'est-ce pas? Il y a une voix féminine, une voix masculine et une autre voix masculine, mais qui est notre invitée du jour. Il y a Anaïk, on commence par toi. Ça va, Anaïk? Bonjour à tous, oui, ça va bien, merci. Bon, depuis le mois dernier, depuis le mois dernier, tout va bien. Non, je suis toujours là. On arrive tout doucement vers le printemps. Ouais, c'est vrai, il commence à faire soleil, c'est cool. Et notre Clément National. Salut. Spécialiste du jazz. Ça va? Oui, ça va, et toi? Une petite forme, non? Pas petite forme? Non. Il a tout juste pas dormi, mais... Et chaque mois, nous avons un invité différent. Et ce soir, c'est Sylvain Asselot. Bonjour. Bonjour, Sylvain. Du trio. Alors, on peut dire trio Gainsbourg, trio Vian aussi. Et trio Verlaine aussi. Et trio Verlaine. Mais on va en parler d'ici quelques instants. Merci d'être avec nous. Merci. Pour une heure. Donc, tu vas être le fil rouge de l'émission. Tu interviens quand tu veux. Si tu as envie de faire un petit saut par arrière, tu as la possibilité. Super. tout est possible pour toi. Le programme du jour, Anaïk. Alors au programme du jour, plein de choses. Vous l'aurez compris, donc on va parler bien sûr musique avec Sylvain, avec le trio Gainsbourg, qui a un événement ce soir. On abordera aussi la mode avec le retour d'un accessoire des années 90 qu'on a fortement renié à un moment donné, ouais, tous. Donc ouais. Je vous en dis pas plus. On a souvent nos papas ou nos papis qui en ont encore. Voilà, et vous allez en voir partout, pour le printemps, pour l'été. Tu es sûr vraiment qu'on va en avoir partout? Je suis sûre de moi. Il y a pas qui... ouais, d'accord. Okay. Ouais. Bon, franchement, bah, ouais. On verra, on demandera à Sylvain et Clément s'ils en porteront cet été, je ne sais pas. On verra ça tout à l'heure. On laisse le suspense. On parlera aussi bien sûr d'éco avec le retour du canage. Alors je vous expliquerai ce que c'est, mais je pense que vous allez visualiser tout de suite. Clément nous fera aussi découvrir un des plus grands pianistes et compositeurs de musique. Scott. Mais pas n'importe quelle musique, c'est ça Clément? Oui, le ragtime. Le ragtime, que tu affectionnes particulièrement. Entre autres. Et puis en fait, on terminera par les sorties, voilà, qu'il y a à faire dans les coins. Super, et bien écoutez une émission pendant une heure les amis, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux si vous avez une petite heure de dispo, écoutez-nous, c'est aussi simple que ça, c'est sur le 94.2 que ça se passe si vous êtes à 40 km, 50 km à la ronde, sinon c'est sur fadjet.net, c'est aussi possible si vous êtes en Autriche ou peut-être en Nouvelle-Zélande, c'est aussi possible de nous écouter sur le net, mettez-nous des petits likes sur notre page Facebook, Fadjet coup d'œil dans le rétro, faites-nous un petit coucou, on fera des dédicaces à l'ancienne, en même temps c'est une émission rétro, on peut le faire, on peut se le permettre, hein, sans être trop ringard. Allez, on commence cette émission, j'ai pour habitude depuis deux fois, à commencer par une sorte d'éphéméride du jour. Alors, nous sommes le 16 mars, il s'est passé des choses, hein, 16 mars, avant de retrouver Sylvain, on va le détailler, le disséquer, hein, pendant une heure. Eh bien, ça s'est passé un 16 mars, et notamment un 16 mars 1662, le premier transport en commun est inauguré en France, et c'était des carrosses publiques qui circulaient entre la Porte Saint-Martin et la Porte de Luxembourg à Paris, sur une idée de Blaise Pascal. Donc ça s'est passé un 16 mars 1662, beaucoup plus tard, hein, pas loin de 300 ans, en 1946, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et la Réunion deviennent donc des départements français. Quelques années encore plus tard, on fait un bond, 40 ans. 1986, suite à une victoire de la droite aux élections, débute la première cohabitation droite-gauche. Et on continue, mais avec une dernière petite année, c'est 1990, c'est du sport. Et là, c'était Titouan Lamazou. C'était un navigateur français qui a remporté le tout premier Vendée Globe Challenge, tour du monde en solitaire en 109 jours, 8h45. Bon, pour l'instant. On en apprend des choses. On en apprend des choses. On fête aussi des anniversaires aujourd'hui. Alors, une comédienne française née en 1953, Isabelle Huppert. Voilà, on lui souhaite un bon anniversaire. Christiana Reali aussi, comédienne française, née en 1965. Et si je vous dis, et si je vous balance ça? Et tiens. Oh. C'est Gesh Paty. 87. Ah, pas loin. Alors attends, voir que je ne dise pas de bêtises. Ce titre, exactement. Oui, c'est ça. Il est bon. Il est très bon. Je me souviens. Gesh Paty. J'étais en CM2. Ah, ben voilà. Gesh Paty, donc, est né en 1946, donc il y a 72 ans. C'est ça. Et donc son vrai nom c'est Patricia Porras. Elle est née le 16 mars 1946 à Neuilly-sur-Seine. Elle est auteure de cinq albums. Elle et Gesh Paty était danseuse avant d'être la chanteuse d'Étienne. Et Étienne qui a obtenu donc notamment un grand succès. Elle connaît ce succès-là en 1987 avec cette chanson qui obtient un disque d'or en France en 88. Elle vend 1,5 million d'exemplaires de ce disque classé numéro 1 dans 9 pays. Et le clip est réalisé par Lydie Callier, principalement en noir et blanc. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce clip. Ouais. Elle obtient aussi une victoire de la musique en 87 dans la catégorie révélation féminine de l'année, coiffant au poteau une petite jeune que Gainsbourg affectionnait. Vanessa Paradis. Et l'année suivante, en revanche, elle s'incline face notamment à Mylène Farmer. Hein, voilà. En tout cas, à cause d'elle, il faisait pas bon s'appeler Étienne en 87. Ben, je pense. Il y avait peut-être pas mal. Il y a peut-être eu des bébés. Enfin, tu sais, une espèce de regain pour ce prénom. Ah tu sais, enfin, je sais pas. Quand même, parce que quand même, c'est quand même un grand succès quand même avec ce refrain quand même. Oui. Mémorable qu'on a tous en tête. Alors on a plus après, c'était pire de s'appeler Régis quand il avait alors là, ils ont morflé. Hein. Mais bah, les Régis, c'est vrai. Bah, moi, c'est l'époque plus dans les années 90, enfin, 94, les Yannick, tous ces prénoms un petit peu comme ça. Frédéric ouais, c'est ça. François, ce que tu as dit. Non. Et bah, pour ceux qui veulent des nouvelles un peu de Gesh Paty, et ben, on l'a vu tout simplement dernièrement. Alors, ça date quand même un petit peu en 2012, et notamment au théâtre avec Une heure avec de Reinhard Wagner, un récital de chant et de piano. En hommage aussi à Roland Topor à Nancy, ça s'est passé aussi en 2012. Et donc Étienne, c'est son succès. Alors il y a eu des décès aussi, hein, notamment un 16 mars. Je vous ferai écouter juste après ça. C'est T-Bone Walker. Je sais pas si vous connaissez. Vous connaissez, musicien et américain. Qui est né, voilà, exactement, en 1910, à Linden, au Texas. Alors, quand B.B. King a entendu T-Bone Walker, il pensait que Jésus lui-même était revenu sur Terre en train de jouer de la guitare électrique. Walker a inventé le solo de guitare tel que nous le connaissons, construisant un nouveau style sur le phrasé fluide, les virages bluesy et le vibrato. C'est le son clair et l'invention mélodique de son single Man Old World de 1942 qui a fait vibrer tout le monde. Et Walker a affiné son approche à travers des tubes comme Call It Stormy Monday. Mmh. Je suis venu un peu trop tôt dans ce monde, a déclaré Walker, et je dirais que j'avais environ 30 ans avant mon temps. C'est un peu ce qu'il dit. Et en 2003, le magazine Rolling Stone le classe à la 47e position de la liste des 100 meilleurs guitaristes de tous les temps. On va écouter un petit morceau, et on va retrouver d'ailleurs Sylvain juste après ça. C'est T-Bone Walker, et c'est Mean, c'est en anglais, M-A-A-N, ça fait Mean. Oui. Mean Old World. Vous êtes à l'écoute de Fadjet. Living by yourself. Yes, this is a mean old world. Baby, to live in by yourself. When you can't get the one you love, then you know she's loving someone else. Keep from worrying, mama, but I smile to keep from crying. Yes, I drink to keep from worrying, mama, but I smile to keep from crying. That's to keep the public from knowing just what I have on my mind. Someday, baby, I'll be 6 feet in the grave. Someday, baby, I'll be 6 feet in the grave. Then I won't be round here mistreated, darling, like a low-down, dirty slave. T-Bone Walker, donc je le disais, qui est décédé un 16 mars, et je sais pas si je l'ai dit il y a quelques instants, en fait, alors je recherche dans mes petites fichettes, justement, donc le 16 mars 1975 à Los Angeles, en Californie. À Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Alors, notre invité du jour, eh bien, c'est Sylvain Asselot du trio Gainsbourg en particulier, même s'il y a aussi le trio Vian et le trio Verlaine, c'est ça ? C'est ça. Mais alors ce soir, c'est tout chaud là, c'est dans 3 heures, dans quelques heures. 21h30, ça va se passer où ? Ça se passe au Caisson. Alors, si on avait un petit peu à parler de toi dans un premier temps, après on parlera de la soirée de ce soir. Donc c'est ton trio qui est composé de Vincent Houplon au piano ? Oui, et de Mathieu Loigereau à la contrebasse. Ah d'accord, c'est Vincent Houplon et Mathieu Loigereau. Houplon et Mathieu Loigereau qu'on connaît aussi à la contrebasse. Et toi, guitare-chant. Guitare-chant. Alors si vous voulez un petit peu en savoir un peu plus justement sur toi, ton parcours. Moi, I was born in Nancy. Parfait, you are a local. Nancy impur. Ouais. You are a véritable local. Je suis arrivé au lycée à Poincaré. D'accord. Quand j'étais en âge d'être lycéen. Et ensuite j'ai fait la fac. Et ensuite, tu faisais déjà de la musique à l'époque là quand même. Oui, je faisais de la musique, mais vous savez les choses. Mais tu savais pas si tu allais en faire ton métier. Non, je savais pas du tout ce que j'allais faire. Alors j'étais à la fac de sciences, les années passaient, les examens aussi, et puis après quand j'ai eu 23 ans, j'ai arrêté la fac de sciences. Ouais. Et puis là, je me suis lancé dans la chanson. Et contrairement à tous les autres musiciens ancêtres qui sont montés à Paris. Je suis resté à Nancy. C'est vrai. Il y en a beaucoup qui montent à Paris, mais qui reviennent aussi. Hein. Des fois, c'est un peu le truc quand on a. C'est tellement compliqué. Et puis à Paris, on chute dans un petit tas. Il y a aussi bien le petit tas où il y a plein de comédiens, comme le petit tas où il y a plein de musiciens. C'est la ville des artistes, effectivement, mais tout ne se fait pas là-bas. Je le dis souvent, ça, parce qu'effectivement, on pense que tout doit se faire par Paris. Hein, moi qui ai un petit peu autour de ça. Mais on peut aussi vivre de notre passion en région. C'est tout à fait honorable et plaisant. Voilà. Bien sûr. Pour peu qu'on aime jouer comme moi à Frémonville ou à Ciré-sur-Vezouze, on peut tout à fait. Et je dirais même, très sérieusement, que c'est plus viable d'être un artiste en province qu'un artiste à Paris. Et j'entends par là financièrement. Complètement, je suis tout à fait d'accord avec toi. À moins que après, ça décolle et que vous ne vendiez des disques par centaines de milliers. C'est ça. Mais c'est plus viable en province, ça c'est vrai. Alors, est-ce que tu avais une passion pour un style de musique, en particulier au départ, des influences? J'ai une passion dans la vie. J'aimais les puzzles. Ah, t'aimais les puzzles? Bah écoute, justement, le puzzle, c'est aussi un produit un peu vintage, le puzzle. C'est vrai, oui. Même si on l'utilise vraiment aujourd'hui, mais c'est vrai. Non, j'aimais les chansons. Ouais. J'ai eu une formation musicale à contre-courant parce que tous mes amis, les amis avec qui je joue et avec qui je monte des projets, sont des musiciens instrumentistes de profession qui ont eu des formations. D'accord. Et qui sont de très bons techniciens. Moi, mon job, c'est de chanter des chansons. J'ai appris la guitare, ce qui ne veut pas dire que ce que je fais, je le fais mal, mais je l'ai appris un peu tout seul. D'accord. Et sans être allé au conservatoire. Heureusement. Alors après, j'ai dû rattraper toutes les lacunes harmoniques pour pouvoir savoir de quoi on parle et quand on en parle. D'accord. Alors bon, ça c'est fait maintenant. Et les plus grands musiciens sont des autodidactes, non ? Non. Non ? Non, les plus grands ne sont pas forcément autodidactes. D'accord. Mais aujourd'hui, vous ne verrez plus trop d'instrumentistes qui sont autodidactes parce que l'enseignement s'est démocratisé. Mmh. Alors maintenant, vous avez de manière assez accessible, quand vous êtes jeune, le conservatoire, les MAI, ou alors vous pouvez aller suivre des cours dans des MJC où les profs sont hyper compétents. Donc il y a moins d'autodidactes aujourd'hui. D'accord, donc tu t'es formé un petit peu plus tard, on va dire. Oui, mais après, autodidacte, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que moi, quand j'étais avec des copains, après on m'a appris ce que c'était qu'une grille, après on m'a appris ce que c'était qu'une dominante, après on m'a appris tel plan à la guitare, après on m'a appris à avoir une rythmique. Bon, Et puis parfois on passe à un instrument où on apprend, on apprend sur un instrument, puis après, comme on connaît un petit peu le solfège, on connaît les choses, les notes, etc., on passe à un autre instrument, mais on l'apprend parfois tout seul aussi, cet autre instrument. Oui. Donc voilà, il y a ce côté-là. Alors, on va parler de la naissance un peu du trio, là. Comment ça s'est fait ? Eh bien, comment ça s'est fait ? Tu joues toujours avec ces trois-là, sur les trois du Boris Vian ou non, non, presque, mais non. Disons, le trio Vian, c'est avec Gaël Lebihan au piano. D'accord. Et là, c'est avec Vincent Houplon et puis Mathieu Loigereau dans les deux, effectivement. Alors, comment ça s'est passé ? En fait, ce répertoire, c'est les toutes premières chansons de Gainsbourg. Gainsbourg, il commence à chanter en 58, à écrire des chansons et à ce qu'elles soient éditées. 58, on est 2-3 ans avant les yéyés, avant ce qui va devenir la pop musique. Et donc, à cette époque-là, ou alors on écrit jazz, ou alors on écrit en la mineur hyper réaliste. Il n'y a pas 36 000 types de chansons. D'ailleurs, au demeurant. Comment ? Petite coupure comme ça, au demeurant. Est-ce que tu sais comment, comment Gainsbourg a découvert le piano ? Oui, mais on en reviendra. Alors d'abord, en 58, donc Gainsbourg fait un premier disque, puis un deuxième disque. Et c'est des chansons qui sont très jazz parce que les musiciens dont ils s'entourent sont des jazzeux. Ça swing beaucoup ses premiers albums. Oui, voilà, ouais. Et il y a Goraguer qui fait les arrangements. Goraguer, donc, qui est aussi l'arrangeur de Boris Vian, entre autres. Il joue avec des types Elek Bacik. Et donc c'est des arrangements et des grilles et des harmonies qui sont hyper jazz. D'accord. Donc moi ce qui m'intéressait c'était d'aller dans ce côté-là de Gainsbourg. Parce que c'est une formule en plus qui est très pratique. Vous prenez un piano, une contrebasse, une guitare et puis vous allez jouer ça un peu partout. Le Gainsbourg de plus tard qui est plus pop, plus arrangé, plus complexe, bah faut une batterie ouais, très souvent. Plus compliqué, ouais. Donc voilà. Alors comment il a découvert le piano ? Bah, déjà son père était pianiste. Ouais. Était d'ailleurs un bon pianiste. Il est arrivé, c'est des immigrés russes qui arrivent, ainsi qu'une centaine. Ils sont 30 000 Russes à peu près à arriver pour fuir les pogroms hein, dans les années 20. Et son père était un bon pianiste classique qui s'était mis au jazz et qui connaissait par cœur tous les standards. Alors on est très tôt, on est dans les années 20, il n'y en a pas 12 000 hein, des standards. Oui. Le jazz a 3-4 ans officiellement, oui. Si on s'en réfère à vous. C'est vrai. Et donc son père arrive et à l'époque à Paris, dans les années 20, vous aviez ce qu'on appelle le marché des artistes. Les artistes allaient sur le terre-plein de la place Pigalle et les patrons de brasseries ou de lieux de musique se donnaient rendez-vous là et choisissaient les musiciens, s'arrangeaient, faisaient des contrats à la semaine. Il y avait plusieurs types de contrats, ou alors vous accompagniez une chanteuse, ou alors vous faisiez des chansons à la demande, ou alors il y avait de la musique en petite formule avec des soufflants. C'était sur le un peu le même modèle qu'à Broadway dont j'ai parlé la dernière fois là, avec Gershwin et Tin Pan Alley. Les patrons de music hall, ils allaient comme ça un peu recruter leur pianiste sur le bord de la rue parce que les mecs jouaient pour faire des démonstrations. C'était un peu sur le même modèle. Ouais. Et c'est là que Gainsbourg a commencé à délaisser la peinture. Et voilà. Alors, un peu plus tard, parce que Gainsbourg naît en 28, mais il naît dans cette atmosphère-là. Il entend son père travailler toute la journée. Ouais. Et son père était très exigeant. Il lui a dit, tu feras de la peinture et puis tu feras du piano. Ils avaient une exigence artistique, culturelle, qui était radicale. Ouais. Et qui aura laissé des traces à Gainsbourg. Parce qu'après, tout ça provoque sa nonchalance. C'était peut-être aussi une forme d'exutoire pour oublier toute la rigidité paternelle. Et si on fait un petit tour en 54, il est devenu crooner de piano-bar dans les casinos et la côte comme le Touquet Paris-Plage. Oui. Il a joué au Club de la Forêt ou Deauville et dans des cabarets Pierre Paris-Plage, ouais. Comme tu disais, comme chez Madame Arthur. Vraiment ouais. Un cabaret transformiste. Alors, il était très stressé. D'ailleurs, il avait un nom de scène au départ qui n'était pas le sien. Hein, ce nom de scène, c'était pseudonyme Julien Gris. Ah oui, c'est ça. Ouais, Julien Gris. Et plus tard, Julien Gris, alors Gris avec un S et Gris avec un X, puis à partir d'avril 57, sous le pseudonyme Serge Gainsbourg. Mmh. Et donc, il expliquera que le prénom de Serge évoque la Russie. Ouais. Et quelques voyelles A et O ajoutées à son nom sont une réponse aux enseignants, justement, qui écorchaient son patronyme pour lui rappeler ses origines judéo-russes. Et donc, toi, donc, tu l'affectionnes particulièrement. Il y a combien de... C'est un set de combien de temps ? Une heure ? Une heure et quart et demi. Et pour l'avoir vu, alors je sais pas si c'est le même, et de l'avoir vu à la bibliothèque Manufacture. Ah oui, tu y étais. Donc pour moi en plus tu comptes un peu l'histoire de Gainsbourg. Tu t'enchaînes pas forcément les musiques comme ça les unes derrière les autres. J'ai l'impression que t'es dans un perso un peu aussi quand En fait, pour dire vrai, à cette époque-là, quand on a joué à la Manufacture, je devais faire une conférence sur le Gainsbourg du début. Et donc je révisais ma conférence pendant le concert, si tu veux. Mais d'accord. Là, ça, j'ai tout oublié. Je suis pas sûr que ce soir, je parlerai. D'accord. En fait, d'accord. C'est plus c'est un bar, faut que ça envoie. Ouais, faut que ça envoie. Voilà. Bon, bah, d'accord. Alors, on va écouter un titre, justement, de Gainsbourg. C'est lequel? C'est Ce Mortel Ennui, parce que bon, quand même, on n'est pas tout nu sur la table. Ouais. Alors, Ce Mortel Ennui. mortel ennui qui me tient et me suit pas à pas. Le jour où j'aurai assez d'estomac et de toi pour te laisser choir, ce jour-là, oh oui, ce jour-là, je crois, oui, je crois que je pourrai voir ce mortel ennui se tailler à l'anglais. Bien que je me décide un jour, mon amour, à me faire la malle, mais j'ai peur que tu n'ailles dans la salle de bain mettre la main sur le cardinal. Comme je veux pas d'ennui avec ma conscience. Ce mortel ennui, repris par le trio Gainsbourg. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Alors, bienvenue à vous si vous nous rejoignez, vous êtes sur Fadjet, et nous sommes le vendredi 16 mars, c'est la fin d'un après-midi, peut-être ensoleillé, ouais c'est un peu ça, je vois ça dans les studios, le début d'un week-end aussi, donc on reparlera d'ici quelques instants d'un rendez-vous ce soir, on en a parlé là avec Sylvain, ça se passera au caisson notamment, donc on va en reparler hein, d'ici quelques instants, mais pour le moment on va faire une chronique un peu différente en fait hein. À chaque fois on parle de mode, on parle aussi d'artistes locaux, mais on fait un tour du côté aussi de la déco. Alors, Anaïk nous apprend un terme à chaque fois, hein, c'est un peu le problème. Et là, le canage. Qu'est-ce que c'est que le canage? Alors le canage, je vais vous mettre une petite photo sur notre page Facebook hein, que vous pouvez aller consulter. En fait, c'est une technique de tissage sur châssis en fait à l'aide de cannes de rotin. Alors évidemment dit comme ça, peut-être que vous visualisez pas trop. Si vous regardez un petit peu les magazines de janvier, février, mars, du début 2018, vous allez en voir partout. Il faut dire un peu que c'est le retour du fait main. Oui. Pas mal quand même. Sur beaucoup de choses. Du fait main, du rotin, un peu ce désir d'authenticité. Donc le canage correspond complètement en fait à l'ère du temps. Au niveau un petit peu de l'historique du canage, donc en fait c'est à la mort de Louis XIV que le canage a vu le jour dans les intérieurs un peu huppés. Et il a connu son succès quand le rotin en fait a débarqué en Europe. Après, il a complètement disparu de la circulation avant de renaître avec l'iconique chaise bistrot. Et ça, on en a déjà parlé dans Coup d'œil. Donc la chaise bistrot numéro 14 de Tonnet, qui était la première chaise en fait produite en série à l'époque. D'autres chaises mythiques ont repris après un peu ce caractère solide et design du canage, comme la mythique chaise Cesca B64. Vous souvenez, on avait parlé en fait qu'à l'époque, il donnait aussi beaucoup de lettres et de numéros au mobilier. Ouais. Donc la preuve étant. Et cette chaise, en fait, c'était la chaise de Marcel Breuer à la fin des années 20. Qui après tombe dans le domaine public au bout de je sais plus combien d'années, ouais, qui est reproduite après par des designers et des grandes enseignes, un peu plus accessibles au niveau tarif, mais en fait tout vient du passé et dans un coup d'œil dans le rétro, on aime bien en fait faire le lien. Et aujourd'hui, donc, le canage revient en force dans nos intérieurs. On peut en trouver donc sur les têtes de lit. Ça donne un petit peu aussi des touches ethniques, un peu chic, mais de façon aussi un peu plus surprenante, donc sur les portes de buffet. Vous en avez aussi sur les miroirs, les luminaires. On en voit partout dans les magazines et je peux vous dire que ça sera la grande tendance en fait 2018 au niveau déco. Donc je vais vous mettre plein de photos sur Facebook, ouais. Je vais vous mettre des liens sur lesquels voilà, vous allez pouvoir aller fouiller. Il y a des boutiques aussi sur Nancy où vous pouvez en trouver. Il y a la galerie 31 qui est située à Nancy, qui a ouvert il n'y a pas longtemps. Vous pouvez trouver plein de mobilier un peu vintage, un peu rétro, un peu authentique. Donc n'hésitez pas à y aller. Ça change un peu de ce qu'on voit partout. Ouais. Et c'est assez doux en fait comme ambiance. Voilà. On va parler un petit peu d'intérieur. Alors pas de vos organes bien sûr, mais surtout de vos intérieurs à chacun. J'ai bossé pendant 10 ans en Fadjet. Enfin, j'avais une émission en bénévole comme ouais, vous. Ouais, ouais. Et on a été censurés beaucoup. C'est vrai. C'est vrai. Ah bah là tu vois ça va. Non, c'est va. Et en plus ah bon sais, non, et je suis salarié aussi avant en plus ici, donc tu vois le pire du pire. Il y a double casquette. Mais c'est viré pour faute grave. Mais là, nous, à la limite on peut faire on peut raconter ce qu'on veut avec Clément. Voilà, on n'a pas trop tout ce qui reste correct. Je parle bien tout le temps sûr de maison close dans mais ça voilà ça reste quand même poli hein. Je trouve que ça reste voilà à l'intérieur. J'ai pas cité d'organes, tu vois, je reste classe. Je sais pas, oui, mais justement on va parler de vos intérêts. Toi Sylvain, est-ce que t'as une déco particulière, est-ce que t'affectionnes des organes, oui, une période particulière que t'affectionnes dans le mobilier? Eh bien écoutez, c'est très simple, ouais. La période que j'affectionne, c'était mon canapé IKEA d'il y a 5 ans. Oh, c'est trop récent ça. Il était vert. Ouais. En fait, j'avais il avait une forme un lien particulière. Affectif, c'est vrai, t'avais un affectif. Oui. Mais au niveau de ta déco, chez toi, c'est assez classique. Non, mais en fait, je suis désolé. On peut pas avoir du goût partout tout le temps. Et en fait, donc c'est ta faille. J'en manque. Oui. T'en manques là-dessus. Bon bah écoute, mais t'as peut-être pas envie de décorer particulièrement chez toi, mais tu peux avoir une affection particulière pour une époque ou un style. Je sais que nous on aime particulièrement les années 60, un style suédois, on va le dire un peu comme ça, enfin scandinave pardon. Mmh. Et donc c'est un IKEA, peu IKEA quoi. Bah voilà, malheureusement quand on dit suédois aujourd'hui non, ou scandinave, mais c'est vrai qu'on part vers le IKEA. Mais attention. Oui mais non, parce qu'en fait chez nous on a quand même des trucs d'époque. Hein, ouais. Alors justement. Par contre, et beaucoup de trucs récup, de famille, beaucoup de récup, énormément ouais de trucs de récup. Ouais. Et toi Clément, je sais que t'affectionnes la déco. Oui, c'est vrai. Ah, oui. Pour avoir au départ bien meublé quand même ton l'émission, ton club, le siège du club Saint-Lambert. Oui, c'est vrai que on faisait les réunions là. On a même fait les portraits officiels des premières équipes au club Saint-Lambert dans mon intérieur. Donc ça, vieux piano, vieille. Oui, j'ai un piano de 1890 qui a été fabriqué à New York en 1890. Qui était restauré dans les années 80. C'est un vieux Steinway, un piano droit Steinway. C'est vrai que j'ai un joli piano chez moi. Et bon, on parlera de ça d'ici quelques instants avec toi. Alors sans transition aucune, hein, pour le moment, on a fêté entre guillemets le 40e ouais anniversaire, hein, c'est ça, ouais, non, de son décès. Mm-hmm. Tout le monde le connaît. Oh bah c'est Claude François. On va passer un petit coup, une petite Claude François avec Belle Belle Belle. Et on se retrouve juste après ça. Bienvenue à vous si vous êtes dans la voiture ou pas. Vous écoutez Fadjet. En tout cas, nous, on est heureux. C'est parce que tu crois, elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Belles, belles, belles comme l'amour. Elles te rendront fou de joie, fou de tout l'homme, et crois-moi plus fou, d'elles, d'elles, d'elles, de jour en jour. Et puis des filles, de plus en plus, tu vas en rencontrer. Peut-être même qu'un soir, tu oublieras de rentrer. Plus t'en verras, plus t'en auras et plus tu comprendras. Dans ces moments, tu te souviendras que ton vieux père disait elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Belles, belles, belles comme l'amour. Elles te rendront fou de joie, fou de douleur, mais crois-moi plus fou, d'elle, d'elle, d'elle, de jour en jour. Un jour enfin, tu la verras, tu ne peux pas te tromper. Tu voudras lui dire je t'aime, mais tu ne pourras plus parler. En un clin d'œil, vous serez unis pour le pire et le meilleur. Mais tu tiendras là le vrai bonheur, aux yeux de ton cœur, elle sera belle, belle, belle comme le jour. Belle, belle, belle comme l'amour. Comme j'ai dit à ta maman, tu lui diras en l'embrassant, tu es belle, belle, belle comme le jour. Belle, belle, belle comme l'amour. Alors, Belle, Belle, Belle de Claude François, c'est un titre de 1962. Et d'ailleurs, hein, Claude François avait quand même tout de même du génie dans tout ça. C'est qu'il avait senti un peu ce son aux États-Unis. Et il l'a réinterprété, il l'a réarrangé pour sortir Belle, Belle, Belle en français. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Alors, il est 17h30, le temps passe vite les amis, il nous reste une petite demi-heure d'émission, on a encore pas mal de choses à faire, et là, on lui a donné sa... Je cherche des mots et je les trouve pas. Vas-y. J'étais en train de réfléchir en même temps que je tournais mes feuilles. Donc, on lui donne la parole, bien sûr, ce soir. C'est Clément qui est avec nous depuis quelques temps déjà et il nous apporte une expertise au niveau du jazz. Je trouve ça hyper intéressant. Et là, encore plus, et en particulier, peut-être aussi... Faut peut-être pas que j'en dise un peu plus. Ah mais vas-y. C'est au niveau du ragtime, j'écoute. Oui, alors c'est vrai que c'est. Enfin, je vais pas parler de jazz aujourd'hui. Je vais parler d'un style musical qui est antérieur au jazz, mais ça constitue une des racines du jazz. C'est le ragtime, pour prononcer à l'anglais. Donc ça, parce que c'est vrai que je me suis rendu compte que depuis plusieurs chroniques, je vous ai parlé de plusieurs grands pianistes du début 20e siècle. J'ai parlé de Fats Waller et de J. Leroy Morton. Oui. Bon, j'ai aussi parlé de Gershwin, mais il était entre autres pianiste, quand même, c'était un bon pianiste. Mais Fats Waller, donc, et son stride, la technique spectaculaire au piano qui faisait fureur dans les maisons closes pendant les années 20, et J. Leroy Morton, lui, qui a vraiment eu son style à lui, très typé Nouvelle-Orléans, plutôt dans les années 10, ils tirent tous les deux leurs origines et leurs inspirations du ragtime, justement, de ce style pianistique. Donc c'est pour ça qu'avant d'aller plus loin dans l'histoire du jazz et de la musique du 20e siècle, dans les prochains mois, dans les mois à venir, il faut que je revienne un peu plus en arrière dans le temps, aux alentours des années 1880. Donc bon, on va même revenir plutôt en 1900. Donc là, on est en France, en 1900, en pleine exposition universelle à Paris. La dernière création du bureau d'études Eiffel, une fameuse tour de 324 mètres de haut, sortie des aciéries de Pompée en Lorraine d'ailleurs, vient juste d'être présentée. Et pendant ce temps, l'un des touristes s'égare dans les coursives du palais de l'exposition et tombe dans les coulisses au beau milieu des vestiaires des ouvriers, dont certains sont des Noirs américains. L'un d'entre eux joue au piano. Notre touriste s'appelle Claude Debussy et pour la première fois de sa vie, il va entendre du ragtime. Suite à cette rencontre, Claude Debussy va passer le restant de sa vie et de sa carrière à être tiraillé entre des compositions très classiques, en écho à l'éducation musicale dont il a bénéficié, et les influences de ce style de jeu au piano très particulier dont on vient d'entendre, comme en témoigne le fameux Gollywog's Cakewalk qu'il a lui-même composé. Alors, j'avoue que je ne sais plus en quelle année il a composé le Gollywog's Cakewalk, mais voilà, donc dans ce qu'on vient d'entendre, il y a toutes les caractéristiques du ragtime, les caractéristiques rythmiques du ragtime. Mais alors c'est quoi du coup le ragtime? Oui, alors voilà. Exactement, comme le dit notre musicien à côté, voilà, ce qu'il vient de faire comme geste, parce que les auditeurs voient pas le geste qu'il fait sur la table, mais il a oscillé sa main gauche de gauche à droite et il a fait ce que les musiciens appellent familièrement la pompe. Donc en fait, la pompe au piano, c'est l'alternance d'une basse et de son accord. Et ce rythme de marche binaire, imperturbable et très cadré constitue la signature rythmique du ragtime. La main gauche fait donc la pompe, tandis que la main droite s'occupe de la mélodie et fait le dialogue avec la main gauche, lui tournant autour et s'immisçant dans les espaces vides entre basse et accord, comme deux personnes qui danseraient ensemble. Je tourne aussi ma feuille. Voilà. Bah oui, tourne ta feuille. Donc justement, je vais vous laisser écouter le ragtime le plus célèbre de toute l'histoire, The Entertainer, composé en 1902 par Monsieur Scott Joplin. Tombé en désuétude vers la fin des années 20, le ragtime est, il est resté aujourd'hui en fait très connu en Europe grâce au film L'Arnaque qui est sorti en 1973. Pour la petite histoire, L'Arnaque a été un film qui a été composé par 7 Oscars à l'époque, dont celui du meilleur film et bien évidemment des meilleures partitions et adaptations musicales. La version qu'on vient d'entendre, donc de The Entertainer, c'est un réarrangement de Marvin Hamlisch qui était l'arrangeur du film. Cette musique a valu l'Oscar, un des Oscars du film. C'est un film avec Robert Redford et Paul Newman. Ouais. Ils ont un peu la même relation, les deux là, que George Clooney a avec Brad Pitt dans Ocean's Eleven. C'est vrai. Ocean's Eleven est très inspiré de ce film. Et en fait, l'intégralité de la bande-son de ce film est composée de ragtime, qui sont tous composés par Scott Joplin. L'air de The Entertainer qu'on vient d'entendre en est resté très connu en France. C'est ce film qui a vraiment dépoussiéré le ragtime et l'a ramené au goût du jour en Europe dans les années 70. Donc, pour revenir à notre compositeur, parce que j'aime bien moi raconter des petites histoires sur nos compositeurs à chaque fois, Scott Joplin, il est né en 1868 dans une petite ville du Texas, et il a commencé sa carrière de pianiste justement en tant qu'autodidacte. On parlait d'autodidacte tout à l'heure. C'est vrai que c'est super intéressant ce que t'as dit Sylvain, parce que c'est vrai qu'à l'époque, l'éducation musicale était beaucoup moins démocratique que maintenant, a fortiori chez les Noirs. Fils d'esclave, ce qui était le cas chez Scott Joplin. Hein. Son père était afro-américain et il avait été pendant plusieurs années esclave avant la naissance de Scott Joplin. C'est pour ça justement que je disais que de grands musiciens étaient de parfaits autodidactes au niveau de la musique. En tout cas, au début. Je parlais de Gershwin il y a quelques chroniques. Pareil, il a commencé tout seul. Bon, après, il a eu de très grands professeurs, mais voilà. Et c'est le cas de Scott Joplin. D'ailleurs, sa première professeure, c'était une femme. C'était une vieille dame qui était propriétaire terrienne, qui possédait le père de Scott Joplin, c'était la maîtresse, la propriétaire, voilà. Et d'ailleurs, Scott Joplin dira plus tard que c'est l'oscillation du wagonnet qui contenait les fleurs de coton cueillies par les esclaves qui lui inspirait les rythmes syncopés de ses mélodies. Il disait que le ragtime lui rappelait beaucoup l'oscillation du wagonnet, quoi. Donc dans les champs de coton. Et en fait, durant son âge d'or, donc des années 1890 aux années 20 à peu près, le ragtime était joué dans les saloons, pendant la rue vers l'or, dans le Klondike. C'est ce que jouent les pianistes de saloon dans les Lucky Luke. Et c'est vrai que de toute façon ça t'inspire, que t'es tout de suite plongé dans un saloon, hein. Quoi qu'il arrive, général, le ragtime c'est associé à ça. C'est associé à ça, et c'est souvent associé au cinéma aussi, parce que le ragtime était le premier genre musical joué au cinéma. Et quand je dis au cinéma, j'entends pas dans les films, mais j'entends bien dans les salles de cinéma. Ouais. En d'autres termes, c'était des pianistes de cinéma qui jouaient dans les films muets, dans les cinémas muets. Ouais. C'est ça. D'ailleurs, il y a une asso à Nancy qui fait des événements comme ça de temps en temps. Oui, je la connais un peu. Voilà. Soit dit en passant, c'est Vincent Houplon qui joue souvent au caméo. Ce qui est très intéressant dans le ragtime, au-delà du fait que, enfin, moi, après, j'apprécie particulièrement ça, c'est que c'est un renouveau, il a insufflé un renouveau à 350 ans d'histoire de musique classique. Mieux que ça, ça a été plus tard une des racines du jazz. C'est derrière, encore une fois, parce qu'on en revient souvent à cette communauté-là, mais c'est la communauté noire américaine opprimée, c'est un euphémisme, la communauté noire américaine opprimée, qui est également à l'origine du blues d'ailleurs, qui a su faire prospérer le ragtime, parce que c'est d'elle qu'est né le ragtime. Et d'ailleurs, c'est une sacrée ironie du sort, parce que une communauté opprimée et réduite en esclavage qui révolutionne plus de 300 ans de culture et qui bouscule les codes musicaux de ses maîtres, je trouve que c'est un magnifique pied de nez à la communauté, quoi, à l'histoire. J'ai une question de classification. Pourquoi est-ce qu'on n'inclut pas le ragtime dans le jazz directement? Parce que ça en a les mêmes grilles d'accords, ça en a le même groove. C'est déjà ternaire. Ouais, mais non. Justement, le ragtime, c'est très binaire. C'est binaire, mais les mélodies qui sont derrière, très souvent, c'est elles commencent à teinter dans le binaire. Ouais, ça y est pas encore. Alors après, c'est ce qu'on s'amuse. Mais c'est quoi le jazz? Voilà, exactement. J'allais dire, c'est ce qu'on s'amuse beaucoup à dire dans le spectacle Jazz à 100 ans, c'est que de toute façon, le jazz, il n'y a pas de définition claire et précise du jazz. Il y a des critères d'inclusion et entre guillemets d'exclusion, mais c'est assez flou comme limite. Et c'est un genre musical. Alors après, pour moi, le ragtime, c'est pas du jazz parce que c'est encore trop écrit. Il n'y a pas assez de place pour l'improvisation. C'est encore très scolaire. Hein. Par exemple, un des ragtime les plus vendus de l'histoire, c'est aussi de Scott Joplin. C'est le Maple Leaf Rag, composé en 1890 et vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. Et en fait, c'était vendu, les partitions, elles se vendaient, les gens les jouaient chez eux, les gens éduqués les jouaient chez eux. C'était pas l'approche du stride, par exemple. Il s'est pas développé comme le stride est apparu dans les maisons closes ou comme le New, le New Orleans, les premiers orchestres de New, à la Nouvelle-Orléans dans ces années-là, ça s'est développé parce que les types ils jouaient dans les bars et ils manquaient de partitions, donc ils devaient s'arranger des grilles pour se donner des temps limités pour faire leur solo et improviser, tourner autour d'une gamme. Là, on arrive déjà dans la liberté. Alors à nos auditeurs, pour revenir sur ce binaire ternaire. Oh pardon. Oui, juste à nos auditeurs, on va parce que du coup c'est assez spécifique, très technique, ce qui est bien. C'est d'expliquer parfois le stride, expliquer la New Orleans, d'expliquer ces choses-là pour qu'on puisse aussi, comme on le fait dans le spectacle, le rendre aussi populaire. Justement, le stride et New Orleans ont été expliqués, le New a été expliqué juste à la chronique d'avant avec J. Earl Morton, et le stride, j'en ai parlé avec une chronique sur Fats Waller, mais voilà, le stride qui veut dire grand pas en anglais, justement dans le stride donc qui a été caractérisé donc plutôt dans les années 20, c'est comme du ragtime mais en beaucoup plus rapide, et il y a toujours ce oompa oompa à la basse, la pompe, mais qui est beaucoup plus rapide et qui fait des 2 ou 3 octaves d'enjambée en fait. C'est énorme, et là les mecs après ils partaient en improvisation et tout, mais justement le ragtime était encore très cadré et très scolaire et puis très binaire, c'est vrai quand même. Ça se joue très lentement, voilà, on vient d'entendre The Entertainer, ça se joue même encore un peu plus lentement. Et d'ailleurs sur toutes les partitions écrites de l'époque de Scott Joplin, il écrivait toujours en haut de ses partitions not too fast, parce que les gens avaient tendance à l'accélérer et à le ternariser, si je puis dire, à le swinguer un peu, à le faire un petit peu décaler, mais c'est pas l'idée, c'est pas l'esprit, c'est une musique scolaire. Merci. On peut reprendre un petit peu sur notre Scott Joplin justement. Voilà, je vais en revenir à mes partitions parce que on parlait de sortir du carcan et sortir des partitions. Et c'est très intéressant parce que ça va me permettre de finir ma chronique, parce que je vais vous proposer de terminer ce rendez-vous en écoutant un morceau également bien connu de vous tous dans la salle vous tous derrière votre poste de radio. J'ai même pas besoin de vous présenter le nom du morceau. C'est pas un ragtime à la base, mais il a été transformé, il a été syncopé, il a été Scott Joplinisé en 2012. Alerte, syncopé. Syncopé. Ah, une syncope. Qu'est-ce que c'est qu'une syncope? Expliquez ça, voilà. Moi, c'est intéressant. Comment on peut l'expliquer, une syncope? C'est un mouvement qui est inattendu, qui tombe pas quand il faut, pour faire très simple la musique. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire, dans le temps, là, je fais ça, il n'y a pas de surprise. Et à un moment donné. Tout d'un coup. T'accélères, D'accord, ok. Très c'est bien. Ça. Tu sais, voilà. Et ça arrive à un instant où c'était pas du tout prévu. Voilà, c'est ça. Et du coup, tout à l'heure, je parlais du oompa et de la pompe à la basse. Ouais. Et je disais que donc la main gauche du pianiste faisait tam, tam, tam, tam. Et la main droite fait la mélodie. C'est elle qui fait les syncopes. D'accord. Elle vient se glisser, en fait, entre le oom et le pa. D'accord. C'est ça, une syncope à l'oreille, c'est un décalage. C'est un des ingrédients du swing, d'ailleurs. Mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard. J'en parlerai dans une autre chronique. Et du coup, le morceau que je vous propose d'écouter est à la base un morceau qui est lui très écrit et très scolaire, parce que tu vas le reconnaître dès la première mesure, mais il a été transformé en 2012 par un pianiste américain que j'ai eu la chance de rencontrer et de pouvoir faire venir par 2 fois à Nancy. Le pianiste s'appelle Ethan Uslan et je vous propose d'écouter le morceau qu'il a transformé. Lettre à Elise. Thank you. Voilà, c'était la lettre à Élise, jouée par Ethan Huslan. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois, de 17h à 18h, sur Fadjet, 94,2 en modulation de fréquence. Alors on les aime ces émissions comme ça justement, où il y a de la, du spécialiste, de la technique, on explique un peu tout ça, moi je trouve ça hyper intéressant, j'espère que vous l'aimez, en tout cas n'hésitez pas à nous faire des petits avis sur notre page Facebook, Fadjet un coup d'œil dans le rétro, n'hésitez pas aussi si vous êtes acteur local, j'ai souvent, je le dis souvent ça, de ce monde un petit peu rétro comme ça, vintage, enfin, peu importe le mot que vous utilisez, et que vous avez envie de faire passer votre événement, votre message, vos sorties, vos soirées, eh bien contactez-nous. Le plus simple, c'est directement par la page Facebook ou encore sur contact@fadjet.net. Alors, on a pour habitude de faire un tour du côté de la mode. Et là, c'est quand même un article sur lequel je reste un petit peu mitigé. J'en ai une. Parfois, j'aurais tendance à la remettre pour faire des sketchs. Pour stigmatiser un peu, j'en sais rien. Et c'est le grand retour, Sylvain. Tu vas pouvoir te faire plaisir. Je pense. Tu vas vraiment pouvoir te faire plaisir. C'est le grand retour de la banane. La banane, le sac banane. L'outil. Alors moi, pour te vous dire, j'en avais une petite en cuir un peu parce que c'était aussi dans les années 90. Alors j'étais du côté un peu, même si. Tu vas rire quand je vais te dire ça. Oui. J'étais plus rap. Ah. On a du mal à imaginer quand même. J'ai senti ce petit Roland comme ça. Non. J'aime beaucoup. Donc j'aimais beaucoup le rap dans les années 90. Et pour le coup, tous nos rappeurs de cette époque-là, que ce soit NTM, que ce soit. Ils avaient ces bananes un peu en cuir comme ça. Et tu les mettais pas forcément devant, tu vois. Tu les mettais sur le côté ou alors en bandoulière. Voilà. Tu les mettais comme ça, tu mettais ton survêt et puis tes requins. C'est parce qu'il y a trop requins à l'époque, c'est ce que tu mettais. Alors voilà. C'était un peu le style. Bon. Mais c'était pratique quand même. Parce que les mecs ont pas de sac à main. Non. Alors donc, comment est-ce que tu mets tes clés de bagnole, ton téléphone portable, ton portefeuille, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Il y a un autre accessoire dérivé de ça. Alors je sais pas si c'est l'un qui a inspiré l'autre et tout, mais ce genre de petit sac à main en bandoulière rectangulaire, ça s'appelle un baise-en-ville. Oui, un baise-en-ville. Alors le baise-en-ville me paraît plus gros qu'une banane quand même. Pas si gros parce que ça sert à prendre ton nécessaire de toilette pour aller en ville. D'accord. Du coup, il n'y a pas besoin que ce soit très grand normalement. Non, pas d'accord. Bon, en tout cas, on l'a pensé définitivement enterré depuis la fin des années 90 ou réservé aux touristes claquettes chaussettes. C'est moi qui l'ai dit. La banane revient. Et l'an 20, Prada ou Louis Vuitton. Hein, donc là, on n'est pas sûr du. Elles l'ont présenté en hit accessoire sur leur défilé de la Fashion Week qui s'est passé dernièrement. Sauf qu'aujourd'hui, on ne dit plus, bien sûr. Sac banane, mais on dit belt bag. Évidemment. Évidemment. Ça fait mieux, tu vois. Traduire sac ceinture. Et pour ceux ou celles trop jeunes qui ne connaîtront pas le sac banane, c'est un sac en forme allongée et souple. Il ressemble bien sûr à une banane. Et la banane était équipée d'une ceinture permettant de le porter à la taille de façon à avoir les mains libres. Je trouvais ça tout à fait pratique. Et dans les années, tout le monde en portait, peu importe son budget ou sa sensibilité. Bon, là, on parlait Vuitton, Prada, tout ça. Hein, on dit on est hors budget. Mais ça a été l'overdose et trop de bananes a tué la banane. En somme, tout le monde a rejeté progressivement cet accessoire qu'on jugeait devenu ringard, au point que la banane bashing devint à la mode. Le modèle de Lacoste, de la marque Lacoste, qui était le plus, d'ailleurs, qui a porté préjudice un peu à la marque aussi. Complètement. Alors le plus mitraillé. Pour le printemps été 2018, on va en voir partout. Voilà. Si, je vous Bon, bah d'accord, ok, on fait confiance. Faites-moi confiance. Moins allongé, la banane version 2018 a une ligne stricte et sophistiquée. Les teintes sont un peu plus douces. Les matières nobles, des tailles précieux, comme une chaîne ou en métal ou une fine lanière de cuir. Alors, il y a deux manières de porter la banane, c'est surtout en fonction de son format. La manière traditionnelle, ceinture, voilà, bim, ou croisée en bandoulière sur le devant. Donc, c'est un peu encore comme dans le style des années 90. Et oversize, elle se porte donc évidemment croisée, bien trop grosse pour penser la porter autrement. Il y a le mini sac bijoux, c'est ça? Oui, c'est ça, donc en cuir, donc ça c'est plus pour les femmes quand même. Et il y a la sportive, alors là c'est un look plus street, en cuir ou en toile, un peu style parka-pluie. Et on est sur un style très différent, très street sport. Et pour le coup, on peut celle-ci la porter croisée ainsi qu'en ceinture. Donc voilà, à vos bananes. Alors pour le coup, c'est un accessoire qui sera tendance autant pour les femmes que pour les hommes. C'était plus porté par des hommes quand même. Ouais, mais en fait là dans les boutiques, dans les magazines, on en voit partout aussi pour les femmes quoi. Et il y a une série dans les années 90 que tout le monde connaît, je pense, qui a popularisé aussi la banane. Vous connaissez pas ? Ça vous dit rien. début. On laisse dérouler. Now this is a story all. Oh mais non, mais c'est pas possible, c'est quoi, c'est le spécialiste prince, jazz. Non, mais bien sûr, si. Prince de Bel-Air. Tu connais pas Sylvain? Je regardais déjà plus. Ah, tu regardais déjà plus? Il y a même Donald Trump qui est passé dans le Prince de Bel-Air. Pourtant c'est une série série américaine où est débuté Will Smith, âgé de 22 ans, et produite par Quincy Jones. La série a été diffusée entre 90 et 96. C'est l'adolescence là, non? Ce que je foutais. Qu'est-ce que tu foutais à cette époque? Oui. Il était pas devant la télé. En France, elle a été diffusée à partir de 92 jusqu'en 97, et sur les conseils de sa mère, Will, un adolescent de 17 ans, débrouillard, quitte Philadelphie et son milieu modeste pour s'installer chez sa tante et son oncle, les Banks, à Los Angeles, afin d'avoir des meilleures chances de réussite dans la vie. Et notamment, bah, ces Banks vivent dans une grande maison de Bel Air et sont habitués à un train de vie aisé. C'est ainsi que Will, fan de rap et de basketball, pardon, va découvrir une nouvelle famille, une nouvelle vie. Alors, cette série, moi, j'ai regardé énormément, hein, ça me rappelle vraiment mon adolescence. Vous vous rappelez de Carlton? Et Carlton, ouais. Avec sa danse, avec la danse de Carlton. Hein, c'est ça, hein, c'est vraiment. Rien, je sais, faut que je mette une vidéo. Bah oui, il faut remettre la vidéo d'ailleurs qui doit. Vous voyez, ici, dans Un coup d'œil dans le rétro, c'est grand écart. C'est le grand écart. Ah bah oui, total. Mais on c'est le but. On parle du jazz des années 20. Et faut on vient mélanger, avec faut le mélanger. Prince de Bel Air des années 90. On vous le dit, voilà, tout est lié finalement. La musique évolue, revient en arrière, etc. etc. Donc, le Prince de Bel Air. Dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Alors, on va revenir à nos moutons. Enfin, à nos moutons, et Sylvain. Sylvain du trio Gainsbourg qui a bien participé à cette émission. On va reparler un petit peu. Est-ce que tu as d'autres anecdotes sur Gainsbourg que tu fais passer pendant ton spectacle et qui sont un petit peu croustillonnantes? J'ai des anecdotes croustillantes. Oui, beaucoup. Alors, on joue. Et c'est ça qui est croustillant. Ce soir, à 21h30, ça, donc au caisson. Précisément, au caisson. Il y a un paf de 6 euros. Le concert est annoncé un peu avant, mais sachez et gardez-le pour vous, on commencera à 21h30. D'accord. Nous, pour de vrai. D'accord. Voilà. Donc les gens ont le temps d'arriver tranquillement. Les gens qu'ils arrivent tranquillement à 20h30. Parce que c'est dans le cadre d'un festival, c'est ça? C'est dans le cadre du festival du caisson, exact. Caisson. Alors je n'ai pas le calendrier, mais il y a des concerts assez souvent. Je crois qu'il y a une vingtaine de concerts. Une vingtaine. En tout, c'est la deuxième édition, je crois, du festival. Sylvain, est-ce qu'on va pouvoir écouter La Femme des Uns, par exemple? Oui, La Femme des Uns sous le corps des autres. Alors c'était quand même une manière d'écrire et une époque qui peut-être aujourd'hui chatouiller un peu les oreilles. On pourrait même dire très simplement que c'est des textes qui sont un peu misogynes. Mais nous autres du trio Gainsbourg, on est là pour expliquer aux jeunes générations qu'il y avait une époque où l'on pensait et l'on écrivait différemment. Eh bien, on va écouter ce morceau-là du trio Gainsbourg. Vous le retrouverez ce soir au caisson, c'est La Femme des Uns. La femme des uns, sous le corps des autres, a des soupirs de volupté. On s'en fout quand c'est pas la nôtre, mais celle des autres. D'abord on se dit vous, et puis on se dit tout. On s'envoie un verre, on s'envoie en l'air. Là tout là-haut, là-haut, là tout là-haut. Et qu'est-ce qu'on y voit? La femme des uns sous le corps des autres. Et on commence à s'inquiéter. On se dit que si c'était la nôtre, la qui se vautre, on lui ferait passer le goût de recommencer. Et pour changer d'air, on l'enverrait faire un tour là-haut. Alors on irait voir la femme des autres. Et quand elle est cartrée les bras, on se dirait elle est comme la nôtre, la femme des autres. On irait chasser dans les beaux quartiers et dans l'ascenseur, on ferait le joli cœur tout là-haut. Amérique, y aurait de la musique. fidélité. La femme des uns sous le corps des os du trio Gainsbourg. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Alors, Sylvain, donc d'accord, rappelle assez rapidement la date donc de ce soir précisément. Ce soir, à partir de 21h30, nous jouerons le trio Gainsbourg au caisson Quai Claude Le Lorrain. Très bien. Vous pouvez entrer à partir de 20h30 oui. et prendre une bière. À 21h31, on joue pas. Bim, terminé. On rejoue le 14 avril. À Bouxières aux Dames, au foyer rural, à 20h30. On joue. Donc, toujours le trio Gainsbourg. Toujours le trio Gainsbourg. Après, okay. à Montier-en-Der, mais ça, c'est trop loin, on s'en fout. Ouais. Et puis après, le 4 mai, à la MJC Étoile, à Vendeuvre, 4 mai, un vendredi ouais. soir, 20h30. C'est ça. Plus d'infos, ben, faut pas. Faut m'appeler, ouais, faut aller mais me moi, voir. Moi, je trouve quand même qu'on a un petit échantillon de ce qu'ils font sur le site internet. J'ai quand même envie de le dire, tu peux me le permettre? Oui. Bon, c'est lesbonsartistes.wixit. Point ouais. com, Wix site, c'est ça. Non, mais vous tapez Sylvain Asselot et puis oui, vous oui, c'est, ouais, c'est plus c'est simple. Ouais. Et donc, il y a tous les petits échantillons du trio Gainsbourg. Il y a quand même quelques infos. Mmh. Donc, n'hésitez pas, ça sera ce soir. Et il y a d'autres sorties à faire. Hein. Oui, alors plein de sorties, effectivement. Donc, demain, concert rétro donc, au Clou et le Bec avec les Vetvel Swing. Donc, ils sont déjà venus oui. ici. Donc, de 21h à 23h. Donc, plus grand succès de la chanson française, les incontournables standards du jazz et les tubes de variété internationale arrangés à la sauce jazz. Swing Manouche. Donc ça, c'est demain au Clou et le Bec. Mercredi 21 mars, hein, Clément dîner concert à l'Excelsior, donc organisé par le club Saint-Lambert. Le club donc recrée l'orchestre du Titanic avec un dîner concert sous des airs, donc justement de ragtime, foxtrot, valse et autres classiques. Mais alors, il paraît que c'est complet, dis donc. Ouais, ça fait deux semaines que les 140 places, elles sont complètes, ouais. Donc suivez l'actu du club Saint-Lambert sur la page Facebook. Il y a encore pas mal d'événements à venir. Ouais, on va faire du rock'n'roll, on va refaire venir notre pianiste américain cette année, on va faire pas mal de choses assez chouettes. Le samedi 24 mars aussi, à l'atelier Souliers Fleuris avec Lady Bloomberry au Bouclart. C'est de 15h à 17h. Lady Bloomberry vous invite cette fois à donner une seconde vie à des souliers, un poil rétro avec de jolis plans, tout en nuances de couleurs, de la mousse et des décorations naturelles. C'est 25€, matériel compris, même la chaussure. Attention, plus une boisson, réservation obligatoire sous réserve du versement d'un acompte de 22 mars 2018. 18. On va terminer là-dessus avec le jeudi 29 mars, une soirée danse swing, concert live de 20h à minuit 30, organisée par Abel Gros et Georges Maller à la brasserie Saint-Èvre avec une initiation au lindy à 20h. L'entrée est libre. Eh bien, les amis, malheureusement, il est 18h. Bah, ça y est, c'est fini, c'est déjà. C'est déjà terminé. C'est déjà merci terminé. Sylvain, en tout merci cas. Merci Sylvain, ouais. Merci de cette émission. N'hésite pas. Hein, si t'as envie de revenir nous voir. À j'habite à Paris, alors un peu moins, mais. Ah oui? Oui. Ah non, mais c'est que quelques 6 mois, 1 an. D'accord. Écoutez, c'est très simple. On m'a proposé un appart dans le 6e. Fallait oui, pas bah, oui, bah non, non, fallait pas. C'est sûr, c'est sûr. Bon, bah écoute, bah, bonne route à toi, en tout cas, Sylvain. Oui. Et nous, on se retrouve quand, Anaïk? Alors, normalement, si je compte bien, on se retrouve aux alentours du 20 avril. D'accord. Voilà, 3e vendredi de chaque mois. Je voulais juste embrasser Adrien, qui doit être à la boutique, Laura et Kiki, voilà, qui bah, sont oui. partis. Et bah, sur la capitale, apparemment. Voilà, on les embrasse et on les retrouvera le mois prochain. Allez, programme continue tout de suite, c'est Cap Sport sur Fadjet. À bientôt, ciao.